l'argent, c'est comme un rêve, y'a zéro souci. Viens faire un tour dans le 13, on va t'apprendre à parler nouchi. Cricata dans la zone, c'est pas la danse, mais ce sont des outils. 2023, c'est l'heure de dire au revoir à tous mes soucis. Quelle est putain, bon, putain, fila, putain, bon, putain, ça va, putain, bon, putain, nani, dans la boue, dans la boue. Quelle est putain, bon, putain, fila, putain, bon, putain, ça va, putain, bon, putain, nani. Ah, putain, bon, putain, solo bana, amina, la petite fait la jolie, voilà qui sur nous maintenant. Ah, baisse ton cœur, quand je dépense mon argent, pas le même moteur. On a pris trop d'avance et ah na na na na na na et na na na na. Y'a ceux qui cherchent de l'argent, y'a ceux qui l'ont trouvé. Elle mange que des dollars, dollars, boit que du whisky, Coca-Cola. Elle danse sur du talakala, Nigisalo Keto Kita Kita. Ah, depuis que j'ai l'argent, c'est comme un rêve, y'a zéro souci. Viens faire un tour dans le 13, on va t'apprendre à parler sushi. Cricata dans la zone, c'est pas la danse, mais ce sont des outils. 2023, c'est l'heure de dire au revoir à tous mes soucis. Quel est putain, bon, putain, fila, putain, bon, putain, ça va, putain, bon, putain, nani, dans la boue, quel est putain, bon, putain, fila, putain, bon, putain, ça va, putain, bon, putain, nani. Ah, tu sais si j'ai fait, c'est parce qu'on m'a dit, tu peux pas faire. Ah, tu sais si je plais, c'est parce qu'on m'a dit, tu peux pas plaire. Ah, tu sais si je fais, c'est parce qu'on m'a dit, tu peux pas faire. Ah, tu sais si je plais, c'est parce qu'on m'a dit, tu peux pas plaire, yeah, yeah, yeah. Oh, t'as la goût des anglais, t'as la goût, t'as la goût. Général Joe Ford. Chinois, tu veux manger sushi. C'est qui ça?